are welcome in Jesus' name. Amen. Vous êtes tous les bienvenus au nom de Jésus. Welcome in the name of Jesus Christ. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Many is it appreciating today. And the four from Lagos and say his normal message that it's afraid. They always inform me. Yeah. Always there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, you are welcome in Jesus' name. Ihr seid herzlich willkommen im Namen Jesus Christus. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I thank Christ Jesus for the end of another month. Ich danke dem Herrn Jesus Christus für das Ende eines weiteren Monats. Je remercie l'Éternel pour la fin d'un autre mois qu'on a maintenant. Amen. Amen. Today is the last Sunday of this month. Denn heute ist der letzte Sonntag diesen Monats. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche de ce mois. He is our protection. Und ist unsere Sicherheit. Et lui il est notre protection. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please remind me of two, and I want to ask. I want to because I've for. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the Lord is our protection. Und der Herr ist unser Schutz. L'Éternel est notre protection. The Lord revealed to me that Satan. Is not only planning. Attack in the spirit, but also in the physical world. Physically, there's going to be physical attack. Please, all of you, be sober and be vigilant. Amen. All of you, please. Der Herr hat mich nochmal daran erinnert, dass der Teufel uns nicht nur geistlich angreifen will, sondern auch physisch. L'Éternel m'a rappelé que le diable ne veut pas seulement nous attaquer spirituellement, mais il veut aussi nous attaquer aussi physiquement, et on doit vraiment être sobre et vigilant. Amen. Be sober and be vigilant. Like just like 1 Peter. Let's go there, please. 1 Peter. 1 Peter 5. Verse 8. 1 Pierre 5, verset 8. Vers 8. He said, be sober and be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Said Pierre. Pardon. 1 Pierre 5, verset 8. 1. Petrus 5, vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Praise the Lord. Hallelujah. We are not different from the old. Concerning how people are against us. They were also against them. If you go to Acts of Apostles, let's go to Acts 4. Denn wir unterscheiden uns nicht zu dem Alten, wie die Menschen auch damals schon gegen uns waren oder auch gegen die Geschwister von damals. Parce que nous sommes pas différents que l'ancien comme l'acte des apôtres quand on les a on était en train de les combattre. Nous sommes vraiment comme eux. On doit lire Actes apôtres 4. And the Bible also said that all those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Und die Bibel sagt auch, dass all diejenigen, die göttlich leben, die werden auch die Verfolgung leiden im Namen Jesus Christus. Et la Bible nous dit aussi que tout le monde qui vit selon en Jésus Christ, eux ils vont aussi être persécutés. Acts 4 from verse 29. Apostelgeschichte 4 ab Vers 29. Acte 4 verset 29. He said, and now, Lord, behold your threatenings. Satan is always threatening. Und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen. Der Teufel droht uns immer. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Le diable nous menace toujours. He said, and grant unto your servants that with all holiness, with all boldness, they may speak the word. Und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Satan is after Christ's word. Denn der Teufel ist nach dem Wort Gottes. Er ist dagegen. Le diable, on doit savoir que le diable, il est contre la parole de l'Éternel. Amen. And you know, their threat is against, you know, they are fighting against the word of Christ. That is not you. That you are not the word of Christ here on earth. Ihre Drohung und auch ihr Kampf richtet sich gegen die Kinder Gottes. Et leurs menaces sont vraiment contre les enfants de Dieu. Amen. Then in verse 30. Amen. Verset 30. It says, by stretching forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Verse 31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. They were all filled with the Holy Ghost. Vers 30 und 31. Sie waren alle erfüllt mit dem Wort Gottes, und mit 30, dem Heiligen Geist. Verset 30 et 31. Eux, ils étaient vraiment ils furent remplis de Saint-Esprit. Amen. Amen. You know, some might even be tired of saying Jesus and the Holy Ghost. Manche sind sogar müde, immer zu sagen Jesus und der Heilige Geist, aber wir sind nicht müde davon. Amen. Et eux, il y a aussi beaucoup de gens qui sont vraiment peut-être fatigués à dire Jésus et le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas fatigués à le dire. He said, and they speak the word of God with boldness. Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, ohne Angst. Et eux, ils ont parlé, ils ont prononcé la parole de l'Éternel sans peur. Because it doesn't matter where we are, here or there, is Christ. Denn egal wo wir sind, hier oder da, wir gehören zu Christus und das gehört auch zu uns. Parce que n'importe où nous sommes, on appartient à l'Éternel. Like Paul said, to live is Christ, to die is gain. So it doesn't matter here or there, it's Christ Jesus. So that was why they were able to speak the word boldly. Amen. So wie Paulus gesagt hat, ob wir leben. Leben ist Christus und Sterben ist ein Gewinn. Und deswegen ist es auch egal, ob wir hier oder dort sind, weil für uns ist immer nur Christus. Et tout comme Paul a dit que vivre, c'est la vie, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ, et la mort, c'est un gain. Donc ça signifie que n'importe où tu es, si tu es là-bas, ou bien tu es ici, ou bien au royaume des cieux, il s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Look at verse 32. Very important. And the multitude of them. That believe we are of one heart. Und die Menge one heart. The church, they were of one heart. Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie waren eins. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Donc, ils étaient une personne, eux tous, ensemble. That Christ Jesus should be the spirit of unity. Dass Christus der Geist der Einigkeit sein sollte. Parce que c'est le Christ qui est l'esprit de l'unité. He said they were one. They were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. But they had all things common. Praise the Lord. You can see a living church. Sie waren ein Herz und eine Seele. It's sober and vigilant. Und nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und das sieht man an einer lebendigen Gemeinde, dass sie nüchtern waren. Donc, ils étaient un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Donc, tu peux voir la différence d'une église vivante. Ils étaient vraiment très vigilants, mais ils avaient une communion aussi très forte. Amen. And in verse 33, he said, and with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands, of all houses, sold them and brought the prizes of the things that we have sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according to according as he had need. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 33 bis 35. Immer soll ich lesen? No, stop, because of time. Mm-hmm. Amen. You can see the spirit of unity. Ihr seht den Geist der Einheit. Das ist der Geist von Christus. Ce passage est vraiment important. Tu peux voir l'esprit de l'unité. C'était l'esprit de Jésus-Christ. It's not unity in the flesh. It's satanic. Unity in the flesh without Christ. Es geht nicht um die Einigkeit im Fleisch, zum Beispiel durch das Geld oder durch sonstiges. Oh, the natural family. Oder die natürliche Familie, sondern es ist unity. Die Einigkeit in Christus. Donc tu peux voir cette unité, c'était pas l'unité dans la famille naturelle ou bien l'unité entre les amis. Non, c'était l'unité en Christ. You are either gathered in the name of Christ or you are gathered in the name of Satan. There's no other one. Entweder versammelt man sich im Geist des Teufels oder im Geist von Christus. Es gibt nichts dazwischen. Tu peux seulement vous pouvez toujours vous rassembler ou dans le nom de Jésus-Christ ou dans le nom du diable, parce qu'il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que seulement ces deux puissances sur terre. You are either united in Christ Jesus or you are united in evil, which is Satan. Entweder seid ihr euch einig im Satan oder einig in Christus und nichts dazwischen. Ou vous êtes unis en Christ ou dans le diable, mais il n'y a rien entre ces deux. And that's why you know Satan is very clever. If you look at him, you know, to be united in the name of a natural family. You know, religion today we say is good. Deswegen der Teufel ist. Amen. So. You know, you can see it how they see it. People see it as the family, they are well united. They are one. Mm. But they are evil. Mm. It is evil because it's not under the umbrella of Christ Jesus, but under the umbrella of Satan. Deswegen, der Teufel ist so clever, denn wenn man sich heutzutage im Namen der Familie versammelt, in der natürlichen Familie, wird Religion sogar sagen, wow, super, super, dass ihr das macht und die Familie ist sozusagen immer eins. Aber das ist nicht, wenn man sich nicht unter dem Schirm von Christus versammelt, es ist teuflisch. Tu peux voir aussi que la religion aujourd'hui, quelquefois, comment ils sont en train de nous tromper. Quand tu dis que tu es en train de te réunir dans le nom de la famille, la religion aujourd'hui va dire, ah oui, ça c'est bien. Mais la Bible nous dit que c'est seulement dans le nom de Jésus-Christ où il y a vraiment, où il est aussi présent. Ce n'est pas dans le nom de famille ou bien un autre nom, en fait. Amen. Praise the Lord. Amen. If you know in verse 30, people were against them. They were threatening them. The threatening was so much, and they have to pray about it. They pray. Their prayer was that they are able to speak boldly. You see the prayer. It's not prayer that don't let them kill us. Don't let them. As you see, you can see the difference. The prayer was that we are able to still stand for Christ Jesus, because it's all about him. In Vers 29 fortfolgend hat man gesehen, dass die Kinder Gottes bedroht worden aufgrund des Wortes von Christus. Und das war auch ihr Gebet, dass sie überall freimütig reden konnten. Et tu peux voir que verset 29, les enfants de Dieu ont été menacés partout, par tout le monde. Mais eux, leur prière, c'était que Éternel, donne-nous la puissance, la force de parler avec assurance, de prêcher avec assurance malgré toutes les menaces. Verse 32 said that we are of one heart. One. In Vers 32 steht, sie waren ein Herz. Et verset 32 nous dit qu'eux étaient un cœur. The unity of believers is very, very important. Die Einheit Jesus. Der Gläubigen in Christus. L'unité des enfants de Dieu en Christ, c'est vraiment important. You want to see that unity. Das ist so wichtig. In the ministry. Und er möchte das auch in der Gemeinde sehen. Not division. Und nicht Teilung. Il veut voir cette unité dans la maison de l'Éternel, dans sa maison. Il ne veut pas avoir des divisions. It grieves him to see division in his own ministry. Und es hat ihn so traurig gemacht, die Teilung in seiner eigenen Gemeinde zu sehen. Ça a attristé l'Éternel à voir la division dans son royaume, dans son ministère. He hates it and he has to do something. Er hat es gehasst und er musste etwas tun. Il a détesté ça et il a dû faire quelque chose. Wir lesen weiter ab Vers 5. Amen. Verset 35. Praise the Lord. Alleluia. Okay, from verse 36 this time. 36. Verset 36. And Joseph, who by the apostle was son named Barnabas, which is being interpreted the son of desolation. Consolation. Consolation. A Levite, and of the country of Cyprus. Verse 37. Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostle's feet. Praise the Lord. The Lord is after your heart. Donc, der Herr ist nach deinem Herzen. L'Éternel est derrière ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. Your heart must be all about him. Dein Herz muss nur nach ihm trachten. Ton cœur doit toujours être après l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even their prayer here will help you to know that their heart was all about Christ. Selbst das Gebet. It was not the prayer that there's protection for them, but the prayer that they are able to speak boldly of Christ. You can see that their heart was all about Christ. Du siehst, dass they did not care what happened to them. What matters is that they are able to preach it. Du siehst, dass ihr Gebetsanliegen, das war nicht für Schutz oder für irgendwelche anderen Sachen, sondern einfach nur, dass sie freimütig Jesus Christus sprechen konnten. Es ging nicht mehr um sie selber, sondern es ging nur noch um Jesus Christus. Et tu peux voir leur prière, c'était pas d'avoir une protection, que l'Éternel puisse leur protéger malgré tous les problèmes qu'ils étaient en train d'avoir, mais c'était d'être capable à prêcher malgré quelconque menace. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And that should be our prayer. Es sollte unser Gebetsanliegen sein, ihn freimütig zu sprechen. Et ça doit aussi être notre prière de parler vraiment courageux dans l'Éternel, n'importe quelle situation. And again, the Lord loves that unity that is of him. Amen, amen. Und wiederum, der Herr liebt diese Einigkeit, die von ihm ist. Amen. Et encore une fois, l'Éternel adore cette unité en lui. And if he sees something is happening there, he will react. Und wenn er sieht, dass dort irgendwas passiert in seinem eigenen Haus, in seiner Gemeinde, dann wird er auch agieren. Et si il voit qu'il y a quelque chose se passe dans sa maison, il va agir. From that Acts 5 from verse 1. Acte des apôtres 5 verset 1 à 10. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife sold a possession. Apostelgeschichte 5:1-2. And kept back part of the price. His wife also being privy of it, and brought a certain part, and laid it at the apostle's feet. Amen. Amen. You know, in a living church, you know, it's that's why I don't just go there. Satan will even warn you against it. Geh nicht einfach aus Spaß in eine lebendige Gemeinde, denn selbst der Teufel wird dich davor warnen, weil er weiß, was dort abgeht. C'est pour cela que tu ne pars pas dans une église vivante seulement comme ça, parce que le diable, lui, tu ne veux pas jouer seulement comme ça, parce que le diable, lui, il sait si tu et il va aussi t'accompagner. You can see in the midst of believers, there were evil ones today. Du kannst sehen, dass selbst in ihrer Mitte waren dort bösartige Menschen. Et tu vas voir aussi que même entre eux, les croyants, il y avait aussi ceux qui avaient des mauvais cœurs. It's not different from this church. Und das ist auch nicht unterschiedlich zu unserer Gemeinde. Et c'est pas différent de cette église. And that's why I put your heart. Take your heart. And let your heart speak of Christ alone. Because you are digging your grave. It is dangerous. Too dangerous for you. Deswegen prüft wirklich euer Herz, reinigt euer Herz, weil ansonsten werdet ihr euer eigenes Grab schaufeln. Et c'est pour cela c'est vraiment important de examiner ton cœur, parce que sinon tu es en train de creuser une tombe pour toi-même, ta propre tombe. If there's anything that you are involved in, expose it. Say it loud. That this is what is going on. So that you will be delivered. Don't keep it as a secret and allow Satan to be going through there to do something in a living church. It is deadly, too deadly for you. Deswegen, wenn du in einer lebendigen Gemeinde wie hier bist und irgendwo involviert bist, was nicht von Christus ist, dann leg es lieber offen, dann sag, okay, das ist die Sache, damit bin ich sozusagen involviert, damit du davon befreit werden kannst, weil ansonsten ist dieses Geheimnis, was du die ganze Zeit mitschleppst, ist tödlich. Et c'est pour cela, quand tu es dans une église vivante, tout ce, partout où tu es involvé, ce qui n'est pas de l'éternel, tu dois le dire, tu dois l'exposer. Et on doit y en parler ou prier contre ça. Parce que tu es dans une église vivante, si tu as des secrets dans ton cœur, c'est vraiment, oui, c'est vraiment dangereux pour toi. You can see in verse 2, it says, you know, the soldier that they kept some, there was a secret. Deswegen in Vers 2 lesen wir, sie haben zwar einen Teil dargebracht, aber sie haben auch einen Teil für sich behalten und darüber gelogen. Acte des Apôtres 5, verset 2, il dit aussi que ils ont, eux, ils ont, Ananias et Saphir, ils ont vendu la terre et ils ont emmené quelque chose à l'église, mais ils ont laissé un quart, ils ont retenu pour eux-mêmes. These people were hiding something, not knowing that they were digging their own grave. Sie haben etwas verborgen, und wussten nicht, dass sie selbst ihr eigenes Grab schaufeln. Donc ils étaient en train de, ils ont retenu une part et sans savoir qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe. Amen. You can see here that the you know the church did not even drive them. Amen. But the Holy Ghost dealt with them. Die Gemeinde hat sie nicht mal irgendwie zusammengetrommelt und irgendwas dagegen gemacht, sondern es war der Heilige Geist, der höchstpersönlich dagegen vorgegangen ist. Et c'est pas l'Église qui a dit que oh okay, Ananias et Saphir, vous avez menti et c'est pour cela que vous devez partir maintenant. C'était pas l'Église qui a décidé ça, c'était le Saint-Esprit lui-même qui a pris une décision. The Holy Spirit is the author and the finisher of a living church. Amen. Denn der Heilige Geist ist der Anfang und das Ende einer lebendigen Gemeinde. Et c'est pour cela le Saint-Esprit, il est le commencement et la fin d'une église vivante. In verse 3, it said, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and not to Peter? You know, people lie to me. They come to me and just lie. But I know. But I know because they don't even know what it is. Because you are lying to the Holy Spirit. Petrus hat hier in Vers 3 gesagt, warum seid ihr hingegangen und habt den Heiligen Geist belogen. Petrus hat gesagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen und nicht mich. Und genauso ist das auch hier in dieser Gemeinde. Wenn ihr etwas verbergen wollt, ihr belügt nicht mich, sondern den Heiligen Geist. Ici on voit que Pierre, il a dit à Ananias, mais pourquoi vous êtes en train de, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Il n'a pas dit pourquoi tu as menti à moi, un apôtre ou bien à l'église. Il a dit pourquoi tu as menti le Saint-Esprit. C'est tout comme moi. Les gens sont en train de venir vers moi. Vous venez quelquefois vers moi et vous me disiez des excuses, vous me disiez des choses et vous êtes en train de mentir le Saint-Esprit et vous pensez que vous êtes en train de me mentir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart? Satan, the father of all lies. You allow Satan to fill your heart. You allow it. It's not Satan that forces himself, but you allow it. Ja. Petrus hat zu den beiden gesagt, warum habt ihr zugelassen, dass der Teufel euer Herz erfüllt? Those that blame Satan all the time. Und deswegen, es ist eine Sache, du persönlich lässt den Teufel rein. Es ist nicht so, als ob der Teufel dich die ganze Zeit zwingt, sondern du musst schon sagen, ja, ich möchte. Et c'est pour cela, Pierre a dit à Ananias, mais pourquoi tu as accordé à Satan, tu lui as laissé te remplir ton cœur avec tous ces mensonges, afin que tu puisses même mentir au Saint-Esprit. Donc ça signifie que les gens sont en train de dire que oui, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Non, non, c'est toi-même qui as ouvert la porte pour le diable, c'est toi-même qui lui a donné l'autorisation de te confondre ou bien de mentir à travers toi. Amen. Why were you not in the church? You lie. You don't. Why were you not in the Bible studies? You lie. It's as if you are lying to man. No, you are not lying to anyone here, but to the Holy Ghost. Wenn du zum Beispiel nicht in der Gemeinde warst oder in der Bible study und du fängst an zu lügen, du musst uns hier nicht Rechenschaft geben. Du gibst dem Heiligen Geist Rechenschaft. Par exemple, quand on te demande pourquoi tu n'étais pas là à l'église, Pourquoi tu n'étais pas là à l'école biblique? Toi, tu as commencé à mentir pensant que tu es en train de mentir aux frères et sœurs. Mais non, tu es en train de mentir au Saint-Esprit lui-même parce que c'est lui qui a donné cette ordonnance. C'est lui qui a fait tout. You were in the Bible studies. Why did you not speak? Why were you not part of it? Why did you not say something? You lied. Mm. You think you are lying to man. Mm. You are not lying to man. Christ is everything here. You lie to the Holy Ghost. Wenn du zum Beispiel in der Bibelstunde bist oder im Hauskreis und du sagst, okay, ich konnte heute nicht sprechen, weil XYZ, sei dir einfach bewusst, dass du dem Heiligen Geist gegenüber Rechenschaft ablegen musst und nicht uns. On venait de dire que une église vivante, c'est le Saint-Esprit qui est la tête de l'église. C'est lui qui a. C'est lui qui est en train d'arranger tout. C'est lui qui a même mis. Qui dit que à quelle heure ou bien qui a tout organisé en fait. C'est pour cela, quand tu commences à dire oui, je n'ai pas pu faire ceci parce que cela, tu commences à donner des excuses. Tu penses que tu es en train de donner ces excuses à l'être humain. Mais non, tu es en train de poser cette excuse au Saint-Esprit parce que lui, il est une personne vivante et il sait qu'est-ce qui se passe. You know, whatever we want to do here, we always celebrate Christ and you are not part of it and you lied. The reason why you are not part of it. You know, Satan will give you a lot of excuses that you want. But you are a liar. Amen. But the Holy Ghost will not take it lightly with you. You better be warned. Wir haben auch oftmals so viele Sachen, die wir hier machen wollen oder auch feiern, wo wir einfach als eins in Christus zusammenkommen. Und wenn du kein Teil davon bist, ne, sei dir einfach bewusst, wen du wirklich anlügst. Weil der Teufel wird dir so viele Ausreden auch geben können. Jeder von uns kann diese Ausrede auch nutzen, aber du belügst im Endeffekt den Heiligen Geist. Donc, par exemple, nous, on a beaucoup de fêtes, on est en train de fêter ici, on a beaucoup de rassemblements, qu'on est en train de se rassembler ici, mais quelquefois tu dis, oui, je ne suis pas là parce que ceci, cela, donc tu donnes beaucoup des excuses, tu es en train de mentir au Saint-Esprit, parce que le diable, lui, il peut te donner beaucoup de justification, parce que nous aussi on peut, tout le monde peut chercher une justification, avoir une raison à ne pas être là, mais c'est une justification, il y a beaucoup de justifications qui vient du diable et toi tu l'utilises, tu lui permets à mentir à travers toi. You know, you probably check your, let me say it this way, you check yourself. If everybody they are like you, this ministry will not be here. Du musst dich auch. How you take this ministry? If everybody they are like you, this ministry will be closed down. Du musst dich einfach selbst prüfen, wie du auch mit dieser Gemeinde und Gemeinschaft hier umgehst, weil wenn jeder so drauf ist wie du, dann wäre die Gemeinde schon längst zu. Et tu dois vraiment examiner ton propre cœur, comment tu es, comme tu es là, ce que tu fais. Si tout le monde était ici comme ça, cette église n'aurait même pas existé. Parce que tout le monde, si tout le monde était vraiment comme toi, toute cette église n'a pas existé. Et c'est pour cela que c'est important d'examiner ton cœur. Oui. Amen. Amen. You are not there to bless the ministry. For 2 months. Du bist zum Beispiel nicht mehr 3 months. Da, um die Gemeinde zu segnen. But you call yourself part of Christ. Are you getting it? You know, you are not different from Ananias and Sapphira here. You are not different. Amen. You have a lot of excuses. If everybody have excuse, nobody will be here. If I have excuse, you know, I have a lot of excuse. Why I cannot even preach this message? Why I should not be here today? Are you getting it? But I have chose. I decided to choose Christ. Amen. To hear His voice, and reject all the excuses that Satan wants to give me. Beispiel, what about you? Du musst dich einfach selber fragen, wenn du hier in dieser Gemeinde bist, aber beispielsweise 2 oder 3 Monate nicht mehr gegeben hast. Du bist nicht anders als von Ananias und Sapphira. Wenn es darum geht, Ausreden zu finden, es wird so viele geben. Selbst ich könnte so viele Ausreden haben, warum ich zum Beispiel keine Zeit hatte, heute hier zu sein oder die Predigt vorzubereiten oder dies oder das, aber prüf dich einfach selber. Et toi, quelquefois, tu n'as pas donné à l'église pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Tu n'es pas différent de Ananias et Sapphira. Parce que moi aussi, je peux chercher des justifications et dire que je n'ai pas eu le temps de préparer à l'église la prédication parce que j'ai eu des attaques spirituelles, parce que j'ai eu du mal, j'ai eu des malaises. Je ne dis pas aussi, moi, je fais mon travail dans l'éternel. Donc, on ne doit pas être comme ça, Ananias et Sapphira. Praise the Lord. You know, here, you know, if you look at it, you know. they lied to the Holy Ghost. You know, somebody will say, hey, why should they do that? But you do it all the time. Mm-hmm. Maybe they have been doing it. Mm-hmm. But one day, you know, every day is for the thief, but one day is for the owner. Mm-hmm. You know, well, have you heard that saying before? Mm-hmm. Every day mm-hmm. is for the thief. Mm-hmm. But one day, you'll be caught. Yeah. And three be the end. The Lord give you time. Mm-hmm. Repent. But one day, you better don't allow that one day that is the end to come. Der Herr gibt dir immer Zeit, Buße zu tun. Zum Beispiel Ananias und Sapphira, die haben den Heiligen Geist angelogen. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie können die denn den Heiligen Geist anlügen? Aber du bist genau die Person, die das die ganze Zeit macht. Und sei dir einfach bewusst, ne, vielleicht geht es heute gut und morgen gut und auch sogar noch nächste Woche. Aber es wird einen Tag geben, wo der Herr sozusagen das nicht mehr zulässt. Donc tu dois savoir que quelquefois quand on lit ces versets bibliques, on dit que hey, Ananias et Saphir, ils ont menti au Saint-Esprit, vraiment ils sont morts. C'est vraiment leur propre faute, mais quelquefois nous sommes vraiment comme eux, nous ne sommes pas différents d'eux. On est en train de faire les mêmes choses chaque jour, chaque mois. Et il y a un adage qui dit que chaque jour est pour le voleur. Et mais il y a un jour qui va emmener la justice. Genre, le voleur peut voler chaque jour, mais il y a un jour, on va t'attraper. Et c'est comme ça aussi, l'Éternel nous donne aussi le temps pour se repentir, le temps de faire quelque chose de mieux et le temps d'agir en lui. Mais, si tu n'utilises pas le temps qu'il te donne à te repentir, le jour que tu vas continuer à faire comme ça, il y aura seulement un jour où il va dire que assez, maintenant c'est la fin pour moi. Et la fin peut être comme celui d'Ananias et Saphir. Et on doit vraiment faire attention. Praise the Lord. Hallelujah. Very different from what happened to David in 2 Samuel. Put something here. Let us quickly go to 2 Samuel. 2 Samuel. On va lire 2 Samuel 12. Amen. Mm-hmm. From verse 1. Mm-hmm. Yeah. Up verse 1. From verse 1. And the Lord said Nathan unto David, and he came unto him and said unto him, there were two men in one city. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand what is going on here. Amen. The one rich and the other poor. Verse 2. The rich man had exceeding many flocks and herds. Verse 3. But the poor man had nothing save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up, and he grew up together with him and with his children. He did eat of his own meat and drank of his own cup and lay in his bosom and was unto him as a daughter. Verse 4. And there came a traveler. You know, when we hear about Ananias and Sapphira, we are surprised. We say, hey, how would they do that? Look at the same thing happened to David here. Genau das gleiche, was bei Ananias und Sapphira hier von Vers 1 bis 4 passiert ist, ist auch David passiert. La même chose qui s'est passée à Ananias et Sapphira aux Actes des Apôtres est passée aussi à David ici. How we never see ourselves doing the same thing. Und wir sehen oftmals uns selbst nicht in diesen Sachen, dass uns das gleiche gerade passiert. Et nous, quelquefois, on n'est pas conscient qu'on est en train de faire la même chose. Verse 4, it says, and there came a traveler unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own hair to dress for the wayfaring man that was come unto him, but took the poor man's lamp and dressed it for the man that was come to him. And David's anger was greatly kindled. Are you getting it? Just like when you read of that of Ananias and Sapphira, you are so provoked. And say, what are they? What did they do there? Why should they do such a thing? You are not different from David. Wenn du zum Beispiel Ananias und Sapphira die Stelle liest und dich davon so provozieren lässt und dich fragst, boah, wie kann man so etwas überhaupt tun? Aber liest dir einfach hier nochmal Vers 4 durch. Du bist nicht anders als David zum Beispiel, der hier genau das Gleiche gemacht hatte. Il y a beaucoup de gens qui se disent que oui, Ananias et Saphir ont fait vraiment une chose bête, mais là tu es vraiment comme David, parce que David aussi il lisait et puis il s'enflamma, sa colère s'enflamma et il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se comporter comme eux ici. Praise the Lord. Verse 5, David's anger was greatly kindled against the man. And he said to Nathan, as the Lord liveth, the man that had done this thing shall surely die. Just like you with Sarah. You know, Ananias and Sapphira, they deserve to die. So also you deserve to die. Du wirst sogar diejenige oder derjenige, der sagt, dass die beiden, Ananias und Sapphira, genau den Tod verdienen. Aber genauso hat David das auch hier in Vers 5 gesagt, dass sein Zorn entbrannt ist und auch gesagt hat, dass sogar dieser Wanderer den Tod verdient. Aber, ja. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Tout comme toi et moi aujourd'hui, on se dit, oui, mais Ananias et sa fille, c'était leur propre faute. Ils voulaient comme ça. Ils savent qu'ils ne doivent pas mentir au Saint-Esprit. Maintenant, ils sont en train de mentir au Saint-Esprit. Ah, ils sont morts. Ils voulaient comme ça. Amen. Sans Amen. Se rendre compte que toi-même aussi, tu fais des histoires comme ça. We are very fast to judge others. Wir sind so schnell, andere zu richten. Wir sind vraiment très vite à juger les personnes. So schnell. Amen. Then in verse 6, he said, and he shall restore the land fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. And Nathan said to David, thou art the man. I wish I was there to see David's eye. Don't look at the face and how he reaction. Nathan said, you are the man. Manchmal wünschte ich, wäre damals in dieser Situation dabei gewesen, wo Nathan dann ihm David gesagt hatte, du bist dieser Mann. Oui, quelquefois j'aimerais bien, je me dis aussi, j'aimerais bien être, j'allais bien être à la situation de Nathan pour dire, pour voir la face de David, parce que ici Nathan a dit à David, c'est toi qui es cet homme. Praise the Lord. Amen. Thou art the man. Thus said the Lord, God of Israel, I anointed thee king over Israel. And I delivered thee out of the hand of Saul. Verse 8. And I gave thee your master's house and your master's wives. Wives. He still gave wives. Er hat sogar die Frauen gegeben. This will help you to know that he still gave wives. Amen. Mm-hmm. Those that are always, you know, they always want to say, you pick and choose. He should be the giver of everything for you. Diejenigen, die unter euch sogar sagen, ja, es ist egal, welchen Mann oder welche Frau du heiratest, Hauptsache, die haben Christus oder so. Du solltest dir einfach im Klaren sein, dass heutzutage Christus, genau wie damals, auch die Frauen oder die Männer ausgesucht hat. Der Trick ist, Nathan était venu ici. Et il dit que, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Donc pour ceux qui disent que oh, l'Éternel, c'est pas lui qui choisit, là tu peux voir, c'est lui qui a choisi. Les femmes, qui a de même donné les femmes. À Praise David. The Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. He still give wives. If he give wives then, how much more now? Wenn er damals im Alten Testament schon Frauen oder Männer gegeben hat, wie viel mehr heutzutage? Si l'Éternel donnait à ses servants dans l'Ancien Testament des femmes, combien de plus aujourd'hui que nous sommes ses fils dans le Allow him to give you whatever he has for you. Deswegen lass zu, dass der Herr dir was auch immer gibt, was er für dich vorherbestimmt hat. Et c'est pour cela que tu dois autoriser à l'Éternel de te donne à l'Éternel le temps de te donner tout ce que lui il a pour toi. You know why you must allow him to give you. Und weißt du, warum du das zulassen solltest? Et tu sais pourquoi tu dois autoriser l'Éternel? Because Satan also have a lot for you. Denn auch der Teufel hat so viel für dich vorbereitet. Parce que le diable a aussi beaucoup de choses pour toi. Il a aussi préparé beaucoup de choses pour toi. Praise the Lord. There is a position that has his will, his plan, his purpose for you. Denn es gibt auch den Gegenspieler, der für dich auch einen Plan hat, der auch für dich Sachen vorbereitet hat, und das ist der Teufel. Parce qu'il y a aussi l'adversaire qui est aussi en train de planifier et de préparer des histoires pour toi. It doesn't matter for him if you start with Jesus, but the continuation can be he. Deswegen, du kannst continue. Zwar so schön continue he in Satan. Du kannst zwar so schön in Christus anfangen, aber wenn du anschließend weiter im Teuflischen machst, ist durch. Parce que tu peux même continuer, commencer avec l'Éternel, hein, de faire les histoires selon sa propre manière. Mais si tu continues pas avec l'Éternel, tu le fais comme le diable te confond et tu le fais dans sa manière. Et là, c'est fini pour toi. The Lord can even give you wife, give you husband, but your life. Your life, you know, because not after marriage. Yeah. That period you are together, Satan will use it for his own purpose. But it's not that the Lord did not join you together, did not say you are together. Mm. But you know, it's not the beginning, continuation, then the end to end with Christ Jesus. Amen. Du kannst sogar in Christus anfangen, du kannst sogar einen Ehepartner in Christus bekommen haben. Aber wenn du anschließend zulässt, dass du dich vom Teufel leiten lässt, weil es geht nicht um diesen Anfang, es geht um das Ende und wie du weitermachst. Donc ça signifie que même l'Éternel, il peut te donner même un partenaire, un mari ou bien une femme. Tu es avec cette personne, tout va bien. Mais si tu ne continues pas à l'Éternel, le diable peut utiliser ce que l'Éternel t'a donné à devenir le sien. Praise the Lord. Alléluia. Amen. I gave thee your master's house. He should give you everything. Amen. Mm. And your master's wives into your bosom. And I gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had not been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Mm. If you are not enough, come to me. I am the giver. Amen. I will give you more, as many as you want. Selbst wenn but das, don't go and pick it yourself. Amen. Selbst wenn das, was du aktuell hast, sogar zu wenig wäre, dann komm einfach zu mir, denn ich werde für dich reichlich sorgen. Aber fang nicht an, selber dir Sachen auszusuchen. Jésus-Christ dit ici, il a dit que, et si, je t'ai tout donné, et si cela, Dieu qui dit, je t'ai tout donné, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc ça signifie qu'il pouvait encore ajouter, mais ne pars pas toi-même aussi à faire de ta propre manière. Look at verse 9, please. Verset 9. Verse 9. He said, wherefore hast thou despised the commandment of the Lord? Mm. You know, the sin was against somebody, Uriah. Mm. But the Lord is saying it's against me. You never sin against man, but against God. Denn du sündigst nicht gegen den Menschen, sondern gegen Gott. If you know that you sin against God, you will hate sin. But if you see you sinning against man, you will love it. Wenn du weißt, dass du gegen den Menschen sündigst, dann wirst du das sogar lieben. Aber wenn du weißt, dass du gegen den Herrn sündigst, dann wirst du es anfangen zu hassen. Et Jésus-Christ, Dieu a dit ici, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est du mal à ses yeux. Donc en fait, quand tu es en train de faire quelque chose du mal à quelqu'un du mal, tu le fais à Dieu. Parce que si David, il avait fait tuer Uriah par exemple, mais Dieu l'a vu que tu as fait du mal, tu m'as fait du mal. Donc ce péché que tu l'as fait, ce n'est pas contre l'être humain. Et si toi tu es conscient que tu fais quelque chose quand tu pèches contre l'Éternel, tu vas détester à faire les péchés. Mais si tu vois que tu pèches contre l'être humain, tu vas même vouloir continuer à faire des péchés. Parce Amen. Que les personnes ne t'intéressent pas. You know, remember Joseph in Genesis 39. Mm. Amen. He saw himself, when that woman came to him, he saw himself sinning against God. That was why he was able to run. Mm. He ran, he picked it. Run for your dear life, somebody. He saw himself sinning against God. And not against man. If you see yourself sinning against man, you will be there. You will love it and you will keep on moving. Wenn du das siehst, dass du gegen den Menschen sündigst, dann wirst du auch das lieben oder sogar noch gerne da drin wohnen und bleiben. Aber wenn du weißt, dass du gegen den Herrn sündigst, dann wirst du davon weglaufen. Et vous vous rappelez si par exemple Joseph, lui, la femme a commencé à lui séduire, lui, il a vu, il savait que... Je fais quelque chose que l'Éternel n'aime pas. Et c'est pour cela qu'il a fui. Donc lui, comme Joseph, était capable d'avoir que ce péché-là était contre l'Éternel et pas contre le maître. C'est pour cela qu'il était capable à fuir. Mais s'il voyait l'être humain, peut-être qu'il allait commettre ce péché à coucher avec cette dame. Deswegen, sorry, Mama, deswegen konnte Josef auch von der Frau weglaufen und ist nicht bei ihr geblieben. Amen. It is so, it, you know, once you see yourself sinning against God, it is then the Holy Ghost, you lose the Holy Ghost to work for you. Amen. He will help you to hate that sin. Wenn du anfängst, die Sünde gegen den Herrn zu sinnen, dann lässt du auch dem Heiligen Geist Raum, dass er für dich dort kämpfen kann, dass du diese Sachen loslassen kannst. Si toi tu sais que quand toi tu dis que okay, je le péché que je suis en train de commettre n'est pas contre Dieu, c'est contre le l'être humain. Là, le Saint-Esprit ne peut plus travailler pour toi. Mais si tu vois que tu dis eh non, je suis en train de pécher contre Dieu, là le Saint-Esprit est encore renforcé, il est activé à t'aider à résister ce péché par exemple parce que il sait que tu es en train, tu es conscient de l'Éternel. Jenny, can you help us to read verse 9? Was, wenn das Wort des Herrn verachtet, in dem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah den Hittiter hast du mit dem Schwert geschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Praise the Lord. Hallelujah. So wherefore hast thou, despite the commandment of the Lord, to do evil in his sight? And thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be your wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Mm. Now, therefore, the sword shall never depart from your house. Mm. Praise the Lord. Let us leave this. Amen. Ici, il a dit que tu as frappé Uriel et tu l'as fait tuer et tu as pris sa femme. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. If you know, if David had need 100 wives, God will give him. All he needs to do is just come to me. Allow me to be the giver and not you being the taker. Just going to take people's things. I should give you. I know. I prepared this for you. I have more than enough for you. Der Herr sagt, lass doch einfach zu, dass ich dir die Sachen geben kann. Fang nicht an, zu verschiedenen Leuten zu gehen und dort dir sozusagen die Sachen zu nehmen, was du gerade der Meinung bist zu brauchen. Lass doch einfach zu, dass der Herr für dich diese Sachen gibt. Donc ça signifie que tu dois vraiment autoriser l'Éternel, laisser l'Éternel à te donner les histoires et pas que toi tu puisses commencer à regarder et à avoir possédé les histoires de ta propre manière parce que tu vas faire une grande gaffe. Praise the Lord. Alléluia. Back to Act 5, please. Zurück zur Apostelgeschichte 5. Acte des Apôtres 5. Praise the Lord. Alléluia. You can see two people, husband and wife. Lovey, lovey. Du kannst sehen, dass Ananias und Sapphira als Eheleute etwas Böses in ihrem Herzen geplant haben. Aber die Welt nennt das heutzutage sogar Liebe und Einssein. Et tu peux voir que hommes et femmes, ils ont planifié quelque chose de mauvais contre l'Église, contre l'Éternel, contre le Saint-Esprit. Mais le monde va dire que oui, mais c'était un homme, une femme, ils pouvaient faire comme ils voulaient. Ils ont fait leur unité. Mais cette unité, c'était contre le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Don't join anyone in evil. Even your husband, even your wife. Deswegen sei auch nicht eins im Bösen, selbst wenn es dein Ehemann oder deine Ehefrau ist. Das signifie, ne sois jamais un avec quelqu'un d'autre dans le mal, même si c'est ton mari, ta femme, ton fils, tes filles. Non. Amen. The husband and wife, the Lord brought you together so that iron sharpens iron. If one is falling, the other one is able to raise it, the other one up. But it's not the two falling. You compromise. You join your husband and see it as love. That's not love. That's lust. Der Herr hat euch zusammengebracht, damit ihr Eisen und Eisen seid, nämlich damit sich dieses Eisen und Eisen zusammen schärft und nicht, dass ihr einfach zusammenfallt und das dann sozusagen die Liebe ist. Et l'Éternel a mis l'homme et femme pour qu'ils puissent être encore forts ensemble, que qu'ils puissent se renforcer dans l'Éternel, que si un est en train de tomber, que l'autre puisse le relever, et de contraire aussi, pas que vous tous, vous deux, vous, comme ton mari est en train de tomber, toi aussi tu vas le rejoindre. Ça, et le monde dit que oui, mais ça c'est l'amour, ça c'est pas l'amour. Amen. The Lord brought you together so that you are one in him. So that if one is falling, the other is able to be there and say no. Let's say no to Satan. And stand and say no. And you know, going down and you know, and I cast a Satan that is disturbing the husband or disturbing the wife. But you know what they call love in this world will overwhelm them, overshadow them. What they call the good of this world will come and overpower. They allow it. If you do not allow it, no Satan can force you. Der Mensch lässt sogar zu, dass sich und lässt sich von diesem Bösen übermannen und nennt es dann aber die Liebe. Zu einer Person zu haben. Und das ist aber die bösartige Liebe. Wenn du zum Beispiel siehst, dass dein Ehepartner fällt, dann solltest du doch genau gerade deswegen den Teufel aus der Person Leben sozusagen rauskatapultieren, damit die Person wieder mit dir eins in Christus sein kann. Und nicht, dass du dann einfach sagst, ja, okay, und Hauptsache, wir lieben uns. Und das ist bösartig. Und das ist Lust. Genau, und das ist halt nicht die Liebe von Christus, sondern das ist Lust. En fait, tu dois savoir que si quelqu'un, la Bible dit qu'il met homme et femme ensemble pour être un dans l'éternel, en Jésus-Christ, et pas un dans le mal, parce que sinon vous n'avez pas besoin de vous marier, en fait. Tu vois? Et c'est pour cela qu'il dit que si tu vois que ton mari ou ta femme est en train de tomber, c'est ta responsabilité de l'aider à redevenir en Christ. Et c'est pour cela que c'est ça ton travail, en fait, d'aider l'autre à toujours voir vers l'éternel, parce que si parce que le monde dit que oui, mais ça c'est l'amour. Ça c'est pas l'amour, ça devient l'esprit de l'envie. Tant que tu es en train de désirer vraiment dans les histoires de mal, tu es en train de le rejoindre dans les histoires qui sont mal. Qui sont praise mauvais. The Lord. Alleluia. From verse 4 now. Verse 4. He said, why it remained? Was it not your own? Verse 4. And after it was so, was it not in your own power? Why hast thou conceived this thing in your heart? You know the heart. Das Herz. Praise the Lord. The heart, that is what we will speak about. That is the message. The heart of man. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, das Herz des Menschen. Donc ici il a dit que il faut voir ton cœur. Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille dessein? Donc et ça sera aussi notre message, le cœur de l'homme. Amen. What have you conceived? You know, your heart is, you know, it's a womb. Conceive. Das Herz. You conceive. You don't like you conceive baby in your womb. Amen. So also you conceive in your womb. The heart. Das Herz ist wie eine Gebärmutter. Dort empfängst du diese Sachen und dort trägst du diese Sachen auch aus. Genauso wie eine Frau zum Beispiel eine Gebärmutter hat und dort das Kind empfängt und auch austrägt, so ist auch das Herz des Menschen. En fait, le cœur de l'homme est comme une, c'est comme l'utérus par exemple. Quand tu as un bébé dedans, tu es en train de garder le bébé dans le ventre, dans l'utérus. C'est comme ça aussi que le cœur de l'homme est. Là, tu gardes aussi, oui, l'éternel dedans. Praise the Lord. Amen. Amen. let me see. Praise the Lord. Hallelujah. We go there later. Amen. Amen. There's a place I want us to go. That's the book of James. James 1. It's even there also. Jakobus 1. Dort steht das auch. James 1, please. Jakobus 1. Jacques 1. Put something here. We are still coming here. Go James 1. On part d'abord à Jacques 1, on va revenir ici. Wir kommen gleich nochmal zur Apostelgeschichte zurück, aber wir gehen jetzt erstmal zu Jakobus 1. Vers 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Jacques 1, verset 13. Ah, is somebody there, please? Amen. Amen. Amen. For God cannot be tempted with evil. Amen. He never tempts you with evil. Denn Gott wird dich nicht mit dem Bösen versuchen. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. He never steals. He's not a thief. Er stiehlt niemals, er ist kein Dieb und er ist auch kein Lügner. Et l'Éternel ne vole pas, il ment pas, parce qu'il n'est pas un voleur, il n'est pas aussi un menteur. Amen. You see they say never tempt with evil. Und er verführt niemanden zum Bösen. Il va jamais tenter quelqu'un avec quelque chose de mal. Neither tempt he any man. Und er versucht auch niemanden. Et il ne tente aussi personne. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. You see there, verse 15. The way the lust conceived. You see conceived there again. Bebele. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Nigeria people will understand that very well. Gebele. You can see. The way the lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Exactly what happened to Ananias and Sapphira. Genauso wie es bei Ananias und Sapphira passiert ist, hat die Begierde empfangen und dann wurde die Sünde geboren. Und mais dann chacun, der Tod. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par une propre conviction. Puis la convoitise, lorsque elle a conçu, enfanté le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc en fait, c'est comme ça aussi avec Ananias et Sapphira. Leur désir là, ils ont gardé ça dans leur ventre, dans leur cœur, et ça a fait naître le péché et ça a amené à la mort. Praise the Lord. Do you see that? Exactly what happened today. Genauso wie es bei Ananias und Sapphira passiert ist. Et c'est la même chose que qui s'est passé à Ananias et Sapphira. Verse 4 again. Von Apostelgeschichte 5. On rentre à Acte 5. He said, why it remained? It was your own. And after that, was it not your own? It's a question mark. And after it was sold, was it not in your own power? Why hast thou conceived this thing in your heart? That has not lied unto me. Praise the Lord. Verse 8. Acte 5:8. You know, here we help you to know that salvation is personal also. Verse 8. Peter now asking the woman. Because your husband has chosen. But you have to choose because it's personal. Apostelgeschichte 5. He did not choose for you, but you choose now. Vers 8. Und Petrus hat auch Sapphira nochmal gefragt, denn es sind, auch wenn sie ein Ehepaar sind, hat jeder eine eigene Entscheidung zu treffen. Und deswegen hat Petrus auch sie nochmal gefragt. Mm. Donc, tu vois ici, Acte 5:8, Pierre demande à Ananias, il a dit aussi, mais donc, est-ce que tu as aussi choisi comme ton mari? Malgré eux, ils sont un aussi en esprit et dans la chair, mais toi, tu as encore ta propre volonté. Tu peux toujours le saluer personnel. Ton choix, tu peux le faire encore personnel. Praise the Lord. Hallelujah. And Peter answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yea, for so much. Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tempt the Holy Spirit? The Spirit of the Lord. Behold, the feet. You know, they agree together. They join together. They gathered against the Spirit of the Lord. Sie sind übereingekommen. Sie sind als eins zusammengekommen, um sich gegen den Geist des Herrn zu richten. Et donc, eux, ils étaient accordés ensemble pour travailler contre le Saint-Esprit. He said, behold, the feet of them which have buried your husband are at the door and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came upon all the church. And upon as many as heard these things, the church, two people died just like that. In der Gemeinde sind einfach so zwei Menschen gestorben. Encore une fois, Pierre a dit ici comment vous êtes vous accordés pour les, tenter l'Esprit du Seigneur. Et puis voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Et puis au même moment, elle est tombée, elle est morte et elle a été... Oui, elle a été mise auprès de son mari. Et puis la Bible dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui appirent ces choses dans l'église. Praise the Lord. Alléluia. You know, here we help you to understand how dangerous a living church is. Und wenn wir bis Vers 11 lesen, wird dir klar werden, wie gefährlich eine lebendige Gemeinde ist. Es ist so, als ob du mit dem Feuer spielst. Et ce verset va t'aider à comprendre comment c'est dangereux à vivre dans une église vivante, être dans une église vivante. Si tu joues avec ça, c'est comme si tu es en train de jouer avec le feu. If you are here with evil motive, evil agenda, you better repent or get out. Wenn du hier mit einem bösartigen Motiv bist, ne, oder mit irgendeinem Hintergedanken, dann ist es besser, einfach rauszugehen. Si tu as, tu es ici et que tu as des pensées mauvaises, Hebräer, bien, tu es en train de cacher quelque chose, c'est mieux de même de partir, parce que sinon c'est, ça sera dangereux pour toi. Praise the Lord. On va lire Hébreux 9. Amen. Don't try if Jesus is true. Jesus is true. Amen. If you are here for a motive that you know is not Christ, repent. Wenn du hier bist wegen einem Motiv, was nicht von Christus ist, dann tue Buße. Si tu es ici parce que étant ton motif c'est pas Jésus-Christ, tu vas te repentir ou tu pars. Amen. Oder verschwinde einfach von hier. Hebräer 9, Vers 27. Vers 27. Hebräer 9, Vers 27. He said, you know, why I'm saying this is because before it's too late. You know, after death is judgment. Mm. Amen. Before it is too late. And Ananias and Sapphira, they don't have any, you know, to repent is over. Oh. But to you, for you, you are still here today. Mm. You are still alive. Und ich sag euch das lieber jetzt, damit ihr wirklich noch eine Gelegenheit habt, Buße zu tun oder herauszugehen, denn nach dem Tod kommt das Gericht. Bei Ananias und Sapphira war es schon in dem Sinne zu spät. Hébreux 9, on va lire Hébreux 9, 27. Pourquoi est-ce que je vous le dis tout ça? Je vous le dis pour que vous puissiez vous repentir. Parce que après la mort, c'est le jugement. Là, tu ne peux pas te repentir quand tu es mort. Mais avant la mort, tu peux toujours te repentir et oui. Praise the Lord. Alléluia. You see what is there already. Mm. Amen. He said, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. After death is judgment. Denn nach dem Tod kommt das Gericht. Après la mort, c'est le jugement. And that's why when people die, you know, queen, king, they died, I just pity them because I know where they are going. Und zum Beispiel auch. Because after death is judgment. Wenn auch zum Beispiel ein König oder eine Königin stirbt, ne, ich bedauere diese Menschen einfach, weil ich weiß, was danach passieren wird. Nach ihrem Tod kommt das Gericht. Quand par exemple un roi ou bien une reine meurt, moi ça me, j'ai dit que bon pitié, hein, parce que après la mort, c'est le jugement et ils peuvent plus se repentir. Now we are still here. You know, our body helps us to choose. It gives us opportunity to choose Christ, to repent. And let it be Christ alone. Mm. But after death, it is over. Dass wir überhaupt noch no more choice. Hier sind und dass wir einen Körper haben, zeigt dir, dass wir eine Gelegenheit haben, uns zu entscheiden, dass wir eine Gelegenheit haben, auch Buße zu tun. Denn nach dem Tod kommt das Gericht. Le fait qu'on a un corps, et avec ce corps ici, nous sommes encore ici, ce corps ici, ça nous donne l'autorisation, la possibilité de toujours continuer à choisir la mort ou bien la vie pour vivre dans l'éternité ou bien ici. Praise the Lord. Chez Dieu. Yeah. The heart of man. Das Herz des Menschen. Le cœur de l'homme. Jesus talks about the heart of man a lot. Und Jesus Christus hat viel über das Herz des Menschen gesprochen. Et Jésus-Christ a vraiment beaucoup parlé concernant le cœur de l'homme. Amen. It is the engine. It's like the engine of the car. Und das ist so wie der Motor eines Autos. C'est comme le moteur de le cœur, c'est comme le moteur d'une voiture. Voilà. Amen. There's no car without engine. Und es gibt kein Auto, was keinen Motor hat. Es n'y a pas une voiture sans moteur. Praise the Lord. Hallelujah. To choose Christ, to follow Christ, and to be a son of God is no joke at all. Sich für Christus zu entscheiden, Christus nachzufolgen und auch ein Sohn von Christus zu sein, das ist kein Witz, das ist keine leichte Angelegenheit. D'être un enfant, le fait d'être un enfant de Dieu pour choisir Jésus-Christ et lui suivre, c'est pas une blague. It is not a child's play. Das ist keine Spielerei. Oui, c'est pas une blague. And that's why Jesus said in John 6. Let's go to John 6. Und deswegen hat Jesus in Johannes 6 Folgendes gesagt. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 6 ceci. Praise the Lord. Amen. John 6, 44 and verse 65. Johannes 6, Vers 44. He said, no man can come to me. Hey, you see that? He's telling you it's no joke. Er sagt dort, es ist, to him and to follow him. Es ist keine Spielerei, zu mir zu kommen und mir nachzufolgen. Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi. Amen. Il te dit que c'est vraiment difficile, impossible presque. He said, no man can come to me, except the Father which has sent me draw him. And I will raise him up at the last day. Verse 65. And he said, therefore, said I unto you. Maintenant. That no man can come to me except it be given unto him of my Father. Vers 64. Praise the Lord. Amen. 65. 65. 44 and 65. Yeah. Okay. Okay, don't so you tell me. Mein Kopf war gerade. Praise the Lord. 65 nous dit que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Amen. You cannot come to Christ and follow him without the Holy Ghost drawing you. You know, you are coming to Christ and following him. It's a response that you need. It means you are responding to the Holy Spirit. Amen. Der Heilige Geist muss, ist you are derjenige, hearing his voice and as you are obeying his voice. Der dich zieht, der dich zu Jesus Christus zieht und du gehorchst seiner Stimme. Tu ne peux pas venir à l'Éternel si c'est pas le Saint-Esprit qui t'a attiré vers lui. Et ça signifie que quand tu viens vers l'Éternel, c'est comme si tu es en train de répondre à sa question ou bien à sa demande. No one can submit to Christ except that person is really hungry of Christ. Niemand kann sich Christus unterwerfen, außer er will wirklich zu Christus kommen. Il y a personne qui peut se soumettre à l'Éternel, sauf si la personne veut vraiment venir vers Jésus-Christ. You cannot submit to him except you are hungry of him. Genau, du kannst nicht zu Christus kommen, außer wenn du wirklich hungrig nach ihm bist. Tu peux pas venir vers l'Éternel, sauf si tu es vraiment affamé, tu as vraiment faim de la vérité de lui-même. What are you hungry of? Aber die Frage ist, wonach hungerst du? Mais qu'est-ce qui est ta faim? Amen. Donc tu es affamé de quoi? No one can pretend to be here. Und niemand kann auch einfach nur so tun, um hier zu sein. Il y a personne qui peut prétendre d'être ici. Because the message here will pursue you. Denn die Predigt hier, die wird dich verfolgen. Parce que le message ici, ça va te poursuivre. Praise the Lord. Alleluia. It is just too hot. Und das ist einfach zu heiß. Parce que la vérité, c'est vraiment chaud. La vérité. Et mais no one can hold fire with his own hand. Und niemand kann. It cannot work. Niemand kann Feuer einfach so in seiner Hand halten. Das ist einfach viel zu heiß. Il y a personne qui peut toucher le feu avec sa propre main comme ça, c'est trop chaud. You better be hungry of Christ. Deswegen hab lieber Hunger nach Christus. Ta faim doit être la faim, tu dois avoir faim de Jésus-Christ. Amen. Amen. The real food. Nach dem richtigen Go to Matthew 5. Matthäus 5. Faim de la vraie nourriture. Matthieu 5. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Matthew 5. Verse 6. Matthew 5, verse 6. He said, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Because you are going to be hungry of something. No one is ever No one ever come from sex to the church without being hungry or something. Niemand wird einfach so. Niemand wird einfach. Wow, warte. Die Sache ist, wonach hast du Hunger? Sei einfach. Mama, kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Sorry. No one ever come to church without being hungry or something. Niemand wird zur Gemeinde kommen, ohne Hunger nach etwas zu haben. Il y a personne qui va venir à l'église sans avoir faim d'une chose. Tu as toujours faim. The church is not a natural house. Aber und die Gemeinde ist nicht einfach ein natürliches Haus. Parce que l'église c'est pas seulement un bâtiment naturel. Anything Christ is not natural. Und alles supernatural. Und alles von Christus, es ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Parce que tout ce qui s'agit de Jésus-Christ, ce n'est pas naturel, c'est toujours surnaturel. If you are going to church, it's either you are pursuing something or something is pursuing you. Wenn du zur Gemeinde kommst, dann ist es entweder, weil du nach etwas trachtest oder weil etwas anderes nach dir trachtet. Si tu veux, si tu vas à l'église, c'est toujours parce que tu cherches quelque chose ou bien quelque chose est en train de te chercher. Jesus said, blessed are you if you are hungry, but hungry of Jesus. Deswegen sagt auch Jesus, glückselig sind diejenigen, die Hunger haben, aber sei nach Jesus Christus hungrig. Et c'est pour cela il dit ici, heureux ceux qui sont qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Donc just, tu dois avoir faim de Jésus-Christ. Just like Papa said today, you know, it's not hungry of husband, hungry of wife, hungry of house, hungry of marriage, but hungry of Christ Jesus. Mm-hmm. So wie Papa das vorhin auch gesagt hat, sei nicht hungrig nach einer Ehe oder nach einem Ehepartner oder nach so vielen verschiedenen Dingen, sondern sei hungrig nach Jesus Christus. C'est comme un papa venait de dire, faut pas avoir faim d'un partenaire, d'un mari, une femme, une maison, quelque chose comme ça. Toutes choses là, hein, les gens ont faim. Faut pas avoir faim de ces histoires-là, avoir faim de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Amen. You know, verse 6 again. Blessed are they which do hunger. Amen. Amen. And taste after Christ Jesus. Die Hunger haben und righteousness. Righteousness means to believe Christ. Und nach Christus dürsten. You are hungry to know him, to believe him. That's what you seek. And nothing else. Die Gerechtigkeit ist Jesus Christus und danach solltest du hungern. Du solltest nach Jesus Christus hungern, nach nichts anderem mehr. Donc tu dois avoir, c'est Jésus-Christ comme verset 6, il dit, soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. La justice, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand tu as Jésus-Christ, tu ne seras plus affamé. And that relationship is forever. Diese Beziehung.